1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, votre émission rock, punk, musiques expérimentales, c'est Lost in Space qui attaque immédiatement avec du rock'n'roll des plus classiques, même s'il est un peu teinté de Bayou, c'est le Gun Club for The Love of Ivy. Allez, c'est parti pour 3 heures. Vous pourrez retrouver, comme d'habitude, les titres sur la page de la radio correspondante ou sur la page Facebook Lost in Space. Vous pouvez aussi retrouver des anciens podcasts. Toujours pareil sur le site de la radio parce qu'il est bien fait. Donc voilà, c'est parti, allez go! soldiers to black nervous from hell, hell. I don't ever dislike tomatoes because I'm doing my music. Make you feel the way you wanna feel when he stops to lie, when he makes you cry. Il valsait avec emportement, mais avec abandon, ce qui est la grâce suprême de la valse. I'm

spilling blood of Reds and Nazis was your retaliation. You fought the Reds, you fought the Nazis, come for Nazis and communists, mercy you had none.

Et s'il me fallait rattraper mon grand-père, poursuivre ma route, je cherchais à les retrouver en fermant les yeux. Je m'attachais à me rappeler exactement la ligne du toit, la nuance de la pierre qui, sans que je puisse comprendre pourquoi, m'avait semblé pleine, prête à s'entrouvrir, à me livrer ce dont elle n'était qu'un couvercle. Certes, ce n'étaient pas des impressions de ce genre qui pouvaient me rendre l'espérance que j'avais perdue de pouvoir être un jour écrivain et poète, car elles étaient toujours liées à un objet particulier, dépourvu de valeur intellectuelle et ne se rapportant à aucune vérité abstraite. Mais du moins, elles me donnaient un plaisir irraisonné, l'illusion d'une sorte de fécondité, et par là me distrayaient de l'ennui, du sentiment de mon impuissance que j'avais éprouvé chaque fois que j'avais cherché un sujet philosophique pour une grande œuvre littéraire. Fuck! All right, cut. Mais le devoir de conscience était si ardu que m'imposer ces impressions de forme, de parfum ou de couleur, de tâcher d'apercevoir ce qui se cachait derrière elle, que je ne tardais pas à me chercher moi-même des excuses qui me permissent de me dérober à ces efforts et de m'épargner cette fatigue. Par bonheur, mes parents m'appelaient, je sentais que je n'avais pas présentement la tranquillité nécessaire pour poursuivre utilement ma recherche, et qu'il valait mieux n'y plus penser jusqu'à ce que je fusse rentré, et ne pas me fatiguer d'avance sans résultat. Killers in our midst. He's released. Now he stalks our city streets. Spends his time hunting the young. Pedophile, murderer, freak. Just one answer for his kind. Slow death. Make him draw his last breath. Kill the free. Kill the free. Kill the free. Stretch his neck till it breaks. One by one they disappear. They're dead. Taking that knife from the bed, he gets his fun from raping. He loves touching his innocent prey. Now he's the hunted. No mercy. Track him down, cut off his head. Kill the freak. Kill the freak. Kill the freak. Stretch his neck till it breaks. Freak. Kill the freak. Kill the freak. Stretch his neck till it breaks. We'll be right back. Alors, je ne m'occupais plus de cette chose inconnue qui s'enveloppait d'une forme ou d'un parfum, bien tranquille puisque je la ramenais à la maison, protégée par le revêtement d'images sous lesquels je la trouverais vivante, comme les poissons que les jours où on m'avait laissé aller à la pêche, je rapportais dans mon panier couvert par une couche d'herbe qui préservait leur fraîcheur. Oh, Une fois à la maison, je songeais à autre chose et ainsi s'entassait dans mon esprit, comme dans ma chambre les fleurs que j'avais cueillies dans mes promenades ou les objets qu'on m'avait donnés. Une pierre où jouait un reflet, un toit, un son de cloche, une odeur de feuilles, bien des images différentes sous lesquelles il y a longtemps qu'est morte la réalité pressentie que je n'ai pas eu assez de volonté pour arriver à découvrir. Don't care, I do.

and the feelings. No heart and the feelings. No heart and the feelings. No heart. Certes, les domestiques ne remuaient pas moins dans le sixième de notre ancienne demeure, mais elle les connaissait, elle avait fait de leurs allées et venues des choses amicales. Maintenant, elle portait au silence même une attention douloureuse. Et comme notre nouveau quartier paraissait aussi calme que le boulevard sur lequel nous avions donné jusque-là était bruyant, la chanson, distincte de loin quand elle est faible, comme un motif d'orchestre, d'un homme qui passait, faisait venir des larmes aux yeux de Françoise en exil. Hey! Aussi, si je m'étais moqué d'elle, qui navrait d'avoir eu à quitter un immeuble où l'on était si bien estimé de partout et où elle avait fait ses mal en pleurant, selon les rites de Combray, et en déclarant supérieure à toutes les maisons possibles celle qui avait été la nôtre. En revanche, moi qui assimilais aussi difficilement les nouvelles choses que j'abandonnais aisément les anciennes, je me rapprochais de notre vieille servante quand je vis que l'installation dans une maison où elle n'avait pas reçu du concierge qui ne nous connaissait pas encore les marques de considération nécessaires à sa bonne nutrition morale l'avait plongée dans un état voisin du dépérissement. Oh, control of. A fiction romance, the love of the ages, that never seems to matter in my life. A fiction romance on magazine pages, that never seems to feature in my life. Dreaming, scheming, unaware that quite somewhere some unaware folk are not thinking about what they have been told. Something strange is happening to the way I see the world. I view that fiction romance is not sold. As a fiction romantic, I never expected all these things to happen in real life. And a fiction romantic could ever predict it. All the things that in my life. Well, I don't know what to do. I just think about me and you. If I was a little stronger, then I'd be bold. Something strange is happening to me. I don't know what these shivers mean to you. Is this a fiction or a romance getting cold? Elle seule pouvait me comprendre. Ce n'était certes pas son jeune valet de pied qui l'eût fait. Pour lui qui était aussi peu de Combray que possible, emménager, habiter un autre quartier, c'était comme prendre des vacances où la nouveauté des choses donnait le même repos que si l'on eût voyagé. Il se croyait à la campagne et un rhume de cerveau lui apporta, comme un coup d'air pris dans un wagon où la glace ferme mal, l'impression délicieuse qu'il avait vue du pays. À chaque éternuement, il se réjouissait d'avoir trouvé une chic place, ayant toujours désiré des maîtres qui voyageraient beaucoup. Jamais baisser bras, plein de cadres autour, avancer pas à pas. Vivre au jour le jour. is everyone, and I'll try. But love says everyone, and I'll try. Love says everyone, and I'll try. Give me back my feelings, or you give them back to me. Give me back my feelings, or you give them back to me, to me. Give me back my feelings, or you give them back to me. Give me back my feelings. Aussi, sans songer à lui, j'allais droit à Françoise. Comme j'avais ri de ses larmes à un départ qui m'avait laissé indifférent, elle se montra glaciale à l'égard de ma tristesse parce qu'elle la partageait. Avec la sensibilité prétendue des nerveux, grandit leur égoïsme. Ils ne peuvent supporter de la part des autres l'exhibition des malaises auxquels ils prêtent chez eux de plus en plus d'attention. Give you a three-legged stool and a fine feather bed. St. Peter, St. Paul, and St. Patrick, by the pictures that hang on the wall, I'll throw them all into the bargain if you'll marry my daughter at all. Some liquor was spilled on the bar room floor as the place closed up for the night. When out of his hole came a wee brown mouse and sat in the pale moonlight. He laughed at the liquor from the barroom floor and back on his haunches he sat. And all night long you could hear him roar, "Bring on the goddamn cat, oi, oi!" Hey, Taylor, I need a piece of cake.